Radio Liberté, un bulle de rêve, bonjour. Pas de disque du mois pour cette émission, pas de disque du mois et un seul artiste pour toute la programmation musicale de ce numéro de bulle de rêve du mois d'avril. Une programmation en forme d'hommage à une nouvelle partie de mon adolescence qui vient de partir. Mon fou j'entends de mes années 70-80 est donc parti en même temps que Cécile Taylor, grand génie du piano free jazz, à qui nous devons le générique du bulle de rêve ce mois-ci, mais aussi à peu de temps près d'un des frères Taviani, de Miloš Forman et de Fmur, le si absurde, drôle et philosophique génie des alpages. Est-ce la fatigue de vivre dans un monde qui a toujours autant de mal à évoluer, même si eux de leur vivant ont essayé avec leurs modestes moyens de le modifier un peu? Jacques Higelin est donc mort. Ce n'a pas été une longue histoire entre la musique d'Higelin et moi. Je l'ai abandonné dans les années 90 pour le retrouver en 2005 lorsque son tour de chant rendait hommage à Trenet. Il faut dire que pour moi, Higelin, c'est un peu mon premier chanteur de rock. C'est la période BBH 75 irradiée et bien sûr la folie de Champagne avant de découvrir ce qui s'était passé avec Areski et Fontaine et bien sûr Crabouif. On s'est promené ensemble pendant des heures lors des premières fêtes de la musique, parcourant de République à Nation en passant par la mutualité. Un pari de fête et de combat qu'on ne cesse de mener. On a hurlé des chants irrationnels et fous dans un Bercy qui n'était pas encore transformé en marque. On a emprunté des aéroplanes blindés pour survoler Mogador et bien sûr beaucoup de champagne au cirque d'hiver. Alors pas de cérémonie nationale, pas de reportage sur BFM TV pour savoir qui de Arthur Isia allait hériter des couverts ou de la télé HD. Mais alerter les bébés car Higelin est mort et nous on n'est pas sortis de la merde macronienne. Allez, tu es mort mais nous on va dire mieux et on va écouter quelques-unes de tes chansons. C'est toujours ça qu'ils n'auront pas les autres. Ah, puis Jacques, si tu croises mon père, dis-lui qu'il me manque et que je l'aime et trinquer à notre santé avec une bonne bouteille de vin parce qu'ici, on en a bien besoin. La sensation d'être un chewing-gum au fond d'un lance-pierre. carrément scié. C'est l'honneur de la dérive. Dès que le moteur a fait au jeu, une merveille de technique. Tous les chômeurs et les piquets, surtout pas la physique. J'avais prévu en cas de chute quelques coupons de toile de jute pour me servir de parachute. Qu'est-ce qu'il faut que tout arrive? Ah oui, la terre se rapproche à la vitesse de la grande haie, prêt pour la dernière otanoche. Sous sa fragile sépulture de toile et de tôle éventrée, gîte un héros de l'aventure dans son aéroplane. Dessine-moi une chèvre. Eh, hey, monsieur, dessine-moi une chèvre. Tu vas pas que je suis occupé, non? Pourquoi faire? Hein? Bah, pour mon mouton, tiens. Sur Radio Libertaire. Bulle de rêve aujourd'hui, alors oui, j'aurais pu commencer, c'était une évidence, par la sélection du Festival de Cannes. Râler contre la sélection officielle, un seul court-métrage, même s'il est l'œuvre de la très talentueuse Marta Payek. Et juste un long en séance spéciale. Faire la fine bouche sur la semaine de la critique, qui malgré un long en cours et un court-métrage en séance spéciale, oui, les critiques aiment bien faire l'inverse de l'officiel. Et puis aussi, bien sûr, m'extasier devant la sélection de la quinzaine des réalisateurs avec un long et japonais en plus, et trois cours. Pardon ? Oui, oui, trois cours. C'est à se demander si Francis Gavel ne travaille pas maintenant pour les réalisateurs après les critiques. Oui, j'aurais pu faire tout ça, on aurait pu faire un débat sur ça, oui, mais voilà. Deux semaines disparaissait Isao Takahata. J'ai lu beaucoup d'articles parlant d'un maître de l'animation, mais Isao Takahata était surtout un très grand réalisateur qui, avec Le Conte de la Princesse Kaguya, son dernier film donc, avait signé une œuvre d'une maîtrise extrême. Depuis les premières séries qu'il a réalisées jusqu'à ses longs métrages, de Horus au Yamada en passant par Kay la Petite Peste, Isao Takahata a tenté de nous plonger dans la complexité de l'âme humaine, que ce soit à l'aide de styles graphiques très différents, mais aussi en s'appuyant, selon les films, sur des ressorts plus humoristiques ou plus dramatiques. L'importance des détails pour décrire le quotidien, et ceci quelle que soit l'époque, démontre bien l'importance pour lui de parler de l'être humain, mais en le plaçant toujours non pas au-dessus de son environnement, mais bien en réflexion par rapport à celui-ci. Sa recherche formelle, esthétique, lui demandant une exigence de tous les instants, cela prenait finalement beaucoup de temps pour faire chaque film. Ces longues années de réflexion lui auront quand même permis de réaliser 9 longs métrages, dont un documentaire en prise de vue continue. Mais Isao Takahata, c'est aussi une très grande connaissance de l'art, de la peinture japonaise. Il en faisait l'objet de conférences lors de ses dernières années, mais de la culture française aussi, notamment à travers l'œuvre de Jacques Prévert. Isao Takahata, c'était un amoureux du cinéma et de l'animation. Il a ainsi écrit beaucoup sur l'art de l'image par image, des textes sur Frédéric Bach ou Yuri Norstein. C'était un savant bon vivant, un homme qui aimait partager, qui cherchait constamment à comprendre et en savoir plus. Un immense réalisateur et un homme d'une grande élégance et finesse. Il nous a quittés sans un dernier film, mais il laisse derrière lui quand même de nombreux témoignages de son génie. Avant de laisser la parole à mes invités, je voudrais remercier infiniment Mohamed Beyou, directeur du FICAM, qui m'a permis, grâce aux 2 passages du réalisateur dans son festival, de découvrir un peu plus l'homme et le réalisateur. Une émission hommage à Takahata, comme on va le faire aujourd'hui, ne peut pas commencer sans un remerciement que je ne peux pas qualifier ni quantifier à Ilan Nguyen, qui depuis toutes ces nombreuses années s'attachait à nous faire comprendre la parole d'Isao Takahata, pas seulement en la traduisant, mais en la comprenant de manière intime et si précise. Vraiment un grand, grand merci à lui. Dans le studio de Radio Libertaire, avec moi aujourd'hui, pour parler de cet immense réalisateur, on va commencer par Yann Song Levano. Bonjour Yann Song. Bonjour. Ancien étudiant notamment de l'ESAT et La Poudrière, où il a réalisé En Sourdine. Stéphane Dreyfus, journaliste au quotidien La Croix et créateur du blog Animez-vous les uns les autres. Florian Delporte, directeur de la sublime salle des Ursulines. Et ceux qui ont sûrement battu le record de participation à l'émission de Didier Catrin, Nicolas Tisse. Bonjour. Et Francis Gavel, qui à la fois, voilà, qui est là-bas et qui a dit qu'il passerait nous voir et qui vous dit un bonjour. Juste avant de leur donner la parole, on va se faire un nouveau petit passage musical avec Jacques Higelin. Je suis mort, qui dit mieux? Et puis une petite chose qui lancera notre débat. Ariel, on écoute. Fin de détruire de l'air. Fin de la la la. Je suis mort, qui dit mieux? Bah mon pauvre vieux, voilà autre chose. Je suis mort, qui dit mieux? Mort le venin, coupé la rose. J'ai perdu mon âme au chemin. Qui la retrouve, la met aux choses. J'ai perdu mon âme en chemin. Qui la retrouve, la jette aux chiens. Frère Lennon, je m'avais collé avec une fumelle. Bah alors ça, c'est la plus belle. Je m'avais collé avec une fumelle. Le jour où j'ai brûlé mes sabots, j'y avais flanqué un marmot. Maintenant que son père est plus de ce monde, l'a poussé ce petit crève la faim. Faut que ma veuve lui cherche un parrain. Frère la la la la la la la la la. Elle y en avait déjà trouvé un. Et j'ai pas les yeux dans ma poche. Il y en avait déjà trouvé un. Dame, faut prévoir en cas de besoin. C'est lui qui flanquera des taloches à mon petit haut pour qu'il se tienne bien droit. C'est du joli, moi je trouve ça moche de cogner sur un plus petit que soi. Faire la nature. cela dit, dans ce putain de cimetière, j'ai perdu mon humeur aux moroses. Jamais plus personne ne vient m'emmerder quand je me repose à faire l'amour avec la terre. J'ai enfanté des petits vers blancs qui me nettoient, qui me digèrent, qui font leur nid au creux de mes dents. Arrêtez-moi si je déconne, arrêtez-moi ou passez une voix, sans violette, sans pleurs, ni couronne, venez perdre un moment cafard, je vous ferai visiter des cousins, morts à la guerre ou morts de rien. Esprit qui vous cligne de l'œil, les bras tendus hors du cercueil. Frère de aujourd'hui, je vous sens bien las. Ne soyez plus intimidé. À mon côté reste une place. Ne tient qu'à vous. De l'occuper, qu'est-ce que tu as? Oui, le temps passe et le petit va rentrer de l'école. Dis-lui que son père a pas eu de bol, l'a raté le train, c'était le dernier. Fralala, je vais aller, Hélène, attends un peu, ma femme. Mamie, y a un message pour le garçon. J'ai plus ma tête, voilà que j'oublie où j'ai niché l'accordéon. Peut-être à la cave, peut-être au grenier. Je n'aurai de repos qu'il apprenne. Mais il est tard, sauve-toi, je t'aime. Riez pas du pauvre Maccabé. Frère, l'adulte. Jamais croqué de la veuve, les bordées de nouilles, les tirs à blanc, qu'ont pas gagné une mort toute neuve à la tombola des mutants, peuvent pas savoir ce qui gigote dans les trous du défunt cerveau, quand sa moitié dépose une botte de rose sur le chardon du terreau, quand sa moitié dépose une botte de rose sur le chardon du terreau. Oh, de rêve Radio Libertaire dans cet hommage à Eiseo Takahata. Difficile, impossible, c'est notre film préféré ou pas, on verra après, mais impossible quasiment de ne pas commencer avec, même si c'est l'un des moments les plus terribles, de l'œuvre d'Eiseo Takahata, avec le tombeau des Lucioles, et cette fin est commencée avec évidemment Setsuko et cette terrible fin du tombeau des Lucioles. Difficile parce que pour beaucoup, le début de l'œuvre, de la découverte de l'œuvre d'Eiseo Takahata est passé par la découverte du tombeau des Lucioles, et pour beaucoup d'ailleurs. Je suis désolé de dire ça avec la présence de quelqu'un qui a un si beau cinéma, mais souvent à la télé quand on m'en parle, c'était sur Arte, beaucoup de gens ont découvert ce film assez tard et se disant que d'un seul coup il y avait évidemment la possibilité que l'animation puisse parler d'autre chose et en tout cas différemment. Vous, tous les quatre, on va commencer par Florian, tiens. Vous rappelez la première fois que vous avez vu un film d'Eiseo Takahata, lequel c'était et quelle fut votre première réaction, Florian? Oh bah, je pense que je me suis bien marré, oui, en voyant le tombeau, effectivement. Donc c'était le tombeau des Lucioles. Le tombeau des Lucioles. Je m'étais déjà un petit peu intéressé quand même à tous les cinémas, tu sais que moi j'ai jamais fait de différence entre prise de vue continue et animation, c'est est-ce que le film est bon, quoi. Et c'est vrai que oui, j'étais un petit peu curieux déjà à l'époque et je brisais un peu les tabous, donc je sais pas combien on était dans la salle, mais on était pas grand monde. C'était un joli choc, ouais. On va dire. C'était un très, très, très bon moment, mais je l'ai vu un paquet de fois en salle quand même, globalement. Tu te rappelles, je sais pas, l'une des premières actions, non, c'était juste l'émotion, enfin juste, si on peut dire juste évidemment, en tout cas c'était l'émotion du film ou d'un seul coup de se dire, tiens, il faut que je découvre d'autres films de ce réalisateur. Non, c'était l'émotion, il y a deux films comme ça où on se retrouve un petit peu à se regarder avec le reste du public, les yeux de lapin myxomatosés, tous et tout, et c'était Johnny Got His Gun et Le Tombeau des Lucioles, quoi. Ces deux films-là, tu restes assis dans ton fauteuil et puis tu regardes si t'as bien vu le même film que les autres, et c'est le cas, quoi. Ouais. Belle comparaison, Stéphane, toi? Ben moi, j'ai vraiment ri pour le coup, mais au premier degré, parce que le premier film que j'ai vu, c'est pas Le Tombeau des Lucioles, c'est Mes Voisins les Yamada, que j'ai vu en 2001, donc j'ai découvert Takahata tardivement. Mes Voisins les Yamada étant sorti d'ailleurs très longtemps après sa première sortie au Japon en France, il est sorti en 2001 en France. J'ai adoré ce film, j'ai trouvé très étonnant, très drôle, en même temps très japonais, avec toutes ces références aux haïkus qui entrecoupent le film de façon parfois un peu ironique, parfois contre-temps, parfois de façon très poétique, souvent. J'avais été très surpris à la fois par cette grande liberté formelle et puis ce qui me semblait, parce que je ne connaissais pas la BD d'origine, mais ce qui me semblait une grande fidélité aussi au ton de la BD d'origine, du manga d'origine. Et voilà, donc j'avais été très surpris par ce film. Surpris sur l'esthétique aussi ou Oui, par la mise en scène, par le ton, ce côté, cette description d'une famille dysfonctionnelle, complètement barrée, qui me faisait penser plus à des films, à des comédies américaines des années 40, des films de Capra, comme Vous n'emporterez pas avec vous, avec des personnages frappadingues qui font des choses que la morale réprouverait. Et j'ai trouvé ça très réjouissant. Et très réjouissant dans l'animation, de ne pas avoir de ton convenu ou compassé à l'égard de... à l'égard d'une famille, enfin dans le regard qu'on porte sur la famille. Pareil, même question, est-ce que tu t'es dit, tiens, il faut que je vois d'autres films de ce réalisateur? Est-ce que tu connaissais quand même un peu le nom? T'avais jamais eu l'occasion d'en voir? Ça a été une première occasion ou... Alors j'avoue qu'à l'époque, non, je me suis pas plongé dans la filmographie de Takahata. J'ai découvert, comme le grand public, en fait, les films de Ghibli au fur et à mesure de leur sortie en France. J'ai vu Princesse Mononoke, j'avais vu les films de Miyazaki avant, en fait, le Princesse Mononoke, puis Chihiro date de 2002. Non, Chihiro, c'est postérieur à Mes Voisins les Yamada dans l'ordre de sortie français. Je découvrais ça au fur et à mesure des sorties, vraiment. Et je m'y suis vraiment plongé que quand j'ai eu la chance de rencontrer pendant une petite demi-heure, Isao Takahata au Festival d'Annecy. Donc vraiment, c'est une filmographie que j'ai vraiment beaucoup mieux connue par la suite en voyant, avec son dernier avec film. Avec Kaguya, on s'entend. Yann Song, toi tu te souviens Oui, moi je me souviens, comme beaucoup, c'était pareil comme que Stéphane, j'ai découvert Takahata avec d'abord par Miyazaki, avec une très bonne idée de ma mère qui nous avait emmené voir Princesse Mononoke. Donc j'avais 9 ans. Et en fait j'avais vu après, moi j'ai grandi du coup avec les Ghibli en général, et donc à fouiller un peu dans les magasins, à trouver les DVD, tout ça. Et du coup, en fait, Le Tombeau des Lucioles, c'était le premier film de Takahata que j'avais vu. Et il était sorti, du coup, en DVD chez Kazé, je crois, début des années 2000. Et donc, je l'ai vu à ce moment-là. Et donc, pareil, j'avais, je crois, 11 ans ou 12 ans. Et en fait, moi, le souvenir que j'en ai la première fois, c'est que, justement, je comprends pas le contexte, en fait. Je vois juste des enfants, et je comprends... Enfin, je vois qu'il y a la guerre, je vois qu'il y a des enfants qui sont très, très, très, très malheureux, qui doivent survivre d'une manière assez terrible, et c'est l'impression globale qui me marque. Et après, je le revois, du coup, plus tard, en fait, vers 17 ans, mais justement, je le garde en DVD, mais comme après, j'achète tous les Ghibli, mais celui-là, je l'ai revu, plus vieux, et en fait, plusieurs fois comme ça, après, je l'ai revu, et en fait, on a une vision différente, quoi, forcément, à chaque fois qu'on revoit le film. Quand on fait de l'animation, est-ce qu'il y a un moment donné où on va, je sais pas, est-ce que Takahata. Je sais pas, il y a un challenge quand on regarde les films de Takahata. On a l'impression que, comme lui, il n'est pas animateur qui tente, à la différence d'Ami Miyazaki. C'est pas pour évidemment du tout les opposer, mais en tout cas, il y a une réflexion cinématographique qui est complètement différente. Toi, il y a. Ouais. Moi, c'est surtout que Takahata, du coup, c'est aussi par l'animation que j'ai découvert aussi la prise de vue continue, en fait. Et du coup, quand on voit les films de Takahata, c'est en voyant Le Tombeau des Lucioles que. Après, même, je m'intéresse du coup à d'autres films qui parlent de la bombe atomique, Hiroshima en amour, tout ça. Et même après, du coup, en creusant après un peu dans la filmographie de Takahata, c'est ça qui m'amène aussi un peu à voir un peu aussi du cinéma asiatique en général. Et moi, les liens que je vois entre Takahata, du coup, et puis voilà, le cinéma, mais de manière générale, mais le cinéma asiatique en particulier, du coup, c'est ça qui me passionne. Et c'est vraiment par Takahata que. Enfin, en tout cas, par Ghibli, mais vraiment Takahata en particulier. Qui a un rapproche, je trouve, plus proche de la prise de vue continue et du cinéma. Nicolas ? Alors, pour moi, en fait, Takahata, c'est la découverte, d'une certaine façon. Elle arrive bien avant de connaître son nom, plus justement par la série télé qu'avec par le long-métrage, et avec Heidi, notamment. C'est l'adaptation d'Heidi à la télévision, mais évidemment sans savoir que c'était Takahata, sans savoir vraiment ce nom-là. Ça, on l'apprend bien plus tard, ça, je l'ai appris des années plus tard, mais d'une certaine façon, même en apprenant que c'est Takahata qui avait fait Heidi, on se souvient, en général, les gens, les enfants en tout cas, qui ont grandi avec ce type de dessin animé, s'en souviennent très bien. C'est vraiment des dessins animés qui avaient marqué vraiment l'enfance aussi, et l'histoire d'Heidi qui court dans les Alpes, c'est aussi vraiment quelque chose qui a, je pense, marqué pas mal de générations, d'autant plus que c'est pas une série qui a cessé d'être diffusée et qui a été diffusée juste pendant un an ou deux par exemple, elle a continué vraiment à être diffusée encore et encore, et finalement je pense qu'il y a pas mal de générations d'enfants depuis les années 80 qui ont dû grandir aussi et entre autres avec cette petite fille et son grand-père et le chien dans les alpages. Et à partir de temps, toi qui es historien, qui est journaliste, en tout cas, voilà, qui t'intéresse évidemment, à partir de quand tu vois le nom et à partir de quand tu dis justement là. Alors, toujours à la série, pareil, non, c'est, ouais. Non, même, je pense que la première fois qu'on voit le nom de Takahata, c'est un peu près la même chose que tout le monde, c'est-à-dire Princesse Mononoke a énormément de succès. On entend parler de Ghibli, on entend parler de Miyazaki et on entend d'un coup parler de Takahata. Mais malgré tout, c'est pas pour autant que j'avais forcément vu, enfin, que j'ai su à ce moment-là qu'il avait fait Heidi. Ça, je l'ai encore su beaucoup plus tard. Et par contre, je pense que le premier long métrage que j'ai vu de Takahata, pour moi, c'est pas Le Tombeau des Lucioles, c'est plutôt Kie, la petite peste, quand il est ressorti en salle donc quelques années encore après, puisqu'il est sorti en salle en France en 2005-2006 ouais, ou quelque chose comme ça. Et donc oui, évidemment, j'avais entendu parler de Takahata, mais j'avais pas forcément, enfin j'avais pas vu les films, j'avais pas vu les longs métrages. Et le premier long, donc c'est qui est, donc c'est une approche qui est peut-être aussi encore plus enfantine et plus ludique et plus joyeuse et pas aussi monstrueuse entre guillemets que le Tombeau des Lucioles, ou aussi dramatique que le Tombeau des Lucioles. D'autant plus que même si il y a plein de yakuza qui courent partout dans Kie, même si elle est quand même confrontée à quelque chose qui est assez dangereux, même si sa mère est partie, même si son père est un alcoolique bagarreur violent, etc., il y a toujours quelque chose d'assez amusant dans Kie, et on peut pas s'empêcher de rire devant le film. Finalement, la dimension dramatique, elle est toujours là, elle est toujours présente, et il y a même le combat avec les deux chats qui est toujours aussi extrêmement tendu, avec beaucoup de tension, mais il y a toujours quelque chose d'assez joyeux, d'assez ludique et d'assez amusant qui peut être facilement, je pense, montré à des publics d'âge très différents qui en auront aussi une perception complètement différente de celui-là. Alors Ariane, on va écouter, il y a un petit témoignage de Claire Sichez, qui est une ancienne étudiante de la Poudrière, et qui m'a envoyé un petit mot. Est-ce qu'on peut l'écouter, s'il te plaît? J'ai rencontré Isao Takahata lors de la masterclass qui s'est tenue en Alsace par la Nef Animation. Et j'ai découvert un réalisateur très simple, humble et passionné. Ça m'a beaucoup touchée de découvrir à quel point il était sensible à ce qui se passait dans le monde et qu'il tenait absolument à retranscrire ça dans ses films. Il y a une anecdote dont il nous a parlé que j'ai retenue et qui pour moi représente bien sa manière de faire des films. Lorsque il a une scène de guerre à faire dans un de ses films, quand un personnage tire sur un autre, il montre la blessure et l'homme tombé. Et il disait que peut-être que par rapport à Miyazaki, qui lui aurait fait un grand nuage de fumée et on aurait vu l'homme à terre, lui avait envie de montrer vraiment la réalité des actes et des conséquences. Et j'ai trouvé ça très inspirant. Alors, Claire Sichez, donc réalisatrice, notamment Une vieille courge, ça c'était son film de fin d'études de La Poudrière, puis Moi j'attends, et Yamès et La grande dévoreuse, qui nous parlait de ça. Avant de parler, parce qu'on va parler évidemment du cinéma de Takahata, est-ce que autour de la table, vous l'avez rencontré? Donc Stéphane, on va commencer par toi, puisque tu nous as dit que oui, en effet, lors de la présentation de Kaguya. À Annecy. Oui, moi j'ai eu l'occasion de le rencontrer dans un cadre professionnel pour une interview que j'espérais très longue et qui a été raccourcie, mais parce que lui-même avait demandé, ou en tout cas l'équipe de Ghibli avait beaucoup réduit les temps d'interview. Et donc je l'ai rencontré à Annecy dans le cadre feutré et impersonnel de l'hôtel impérial sur les bords du lac, donc un cadre idyllique mais un peu qui convenait pas très bien à la rencontre avec un cinéaste aussi en prise avec le réel. Et donc moi j'étais un peu terrifié à l'idée de le rencontrer, parce que j'avais, à l'occasion de cette rencontre, revu tous ses films, et j'ai vraiment découvert une œuvre à ce moment-là. J'ai vu qui est La Petite Peste dont parlait Nicolas, j'ai vu Gauche, le violoncelliste, qui est une pure merveille, j'ai vu Le Tombeau des Lucioles, que je n'avais encore pas vu, voilà. Et j'ai découvert une œuvre, j'ai découvert un cinéaste, un regard cinématographique, et j'étais très inquiet parce que j'avais peur de tomber sur une espèce de maestro un peu avec ses lubies. Alors j'avais préparé les choses en appelant Ilan Nguyen, Xavier Kawatopor, qui m'avait déjà pas mal défriché, qui avait pas mal défriché un peu le terrain, et en m'expliquant le personnage qu'il connaissait très bien. Ilan Nguyen m'avait d'ailleurs promis qu'il traduirait très très vite pour que j'ai J'ai le plus de temps possible pour poser mes questions, ce qu'il a fait d'ailleurs, qu'il était fatigué. Et puis j'avais appelé Michel Oslo aussi, qui m'avait parlé de lui, parce que je sais qu'ils avaient une relation très forte. Il a notamment, pardon, il a notamment sorti Kirikou, hein, voilà, au Japon. Et enfin, il a supervisé le doublage de Kirikou et d'Azur et Asmar. Donc Takahata était très attaché à l'œuvre de Michel Oslo, et moi je trouvais qu'il y avait des correspondances, des traits communs entre les deux, deux esprits libres qui sont assez perfectionnistes, qui ne s'en laissent pas compter, qui vraiment vont au bout de leurs idées, quitte à être un peu à se confronter parfois à des producteurs qui sont un peu impatients, quoi, au bout d'un moment. Et donc m'avait dit des choses assez intéressantes sur Takahata. Alors je lui avais relaté ses propos, et toujours avec cette humilité qui était plus un trait culturel qu'un trait de caractère, mais il avait un peu écarté les compliments que lui adressait cet autre maître de l'animation française. Et voilà, c'était une rencontre donc assez intimidante, mais en même temps très riche, parce que il essayait vraiment de répondre de façon la plus réfléchie possible à chaque question, à tel point d'ailleurs que, comme il comprenait le français, puisqu'il était francophile et qu'il était francophone, enfin en tout cas de compréhension, je ne sais pas s'il le parlait très bien, puisqu'il avait fait des études de littérature française à l'université de Tokyo, je crois. Il reprenait parfois son traducteur, Ilan Nguyen, pour lui dire « Non, c'est pas tout à fait ça que j'ai dit. » Et Ilan Nguyen, avec la transparence et l'honnêteté qu'on lui connaît, disait « Oui, alors, Takahata-san dit que c'est pas tout à fait ça. » Et que voilà. Et voilà, j'avais trouvé ça très, très éclairant aussi sur son caractère, mais vraiment quelqu'un de très réfléchi, de très intelligent, un intellectuel, vraiment un intellectuel qui avait une réflexion très poussée sur son art et sur la forme de son art, quoi, vraiment sur la mise en scène, les efforts formels qu'il fallait déployer pour chacun de ces nouveaux projets. Est-ce que quelqu'un d'autre l'a croisé, rencontré? Non, Florian, toi, il n'est jamais venu aux Ursulines? Non, ou du moins, on ne m'a pas prévenu. Le plus proche que j'ai été de lui, c'était 20-25 mètres quand il était à Annecy avec la masterclass animée par Xavier Kawatopa. Qui était un peu dommage, hein, cette rencontre, en tout cas je me barre de le dire, qui était un peu trop formelle et qui était un peu dommage dans cette espèce de grande salle, et elle méritait à mon avis aussi autre chose, un homme. Et malheureusement maintenant on le sait, c'était la dernière fois il allait venir au festival. Je trouvais cette rencontre à la fois intéressante et à la fois des questions vraiment très très stupides du public à un moment donné, qui voulait évidemment nous comparer qu'à Miyazaki ou ce genre de choses. C'était un petit peu, voilà, pour moi c'était un peu un rendez-vous un peu loupé, même s'il y avait dit des choses intéressantes, hein. Évidemment. Notamment sur le tombeau des Lucioles et les regrets qu'il avait un peu sur la compréhension de son film. On est d'accord, oui, bien sûr. Je parlais vraiment là plutôt de la rencontre telle qu'elle était mise et qui ressemblait plus à un côté un peu, enfin, je me rappelle avec les gardes du corps, l'amenant, etc., où d'un seul coup on était dans plus une star qui, quelque part, il n'était pas, quoi. Donc, les conditions de l'interview étaient des conditions à l'américaine. C'était les mêmes, pratiquement les mêmes conditions que pour un cinéaste américain de chez Pixar, ouais. Encadré par les attachés de presse, donc c'est jamais très agréable, ce genre de... D'ailleurs, moi j'essaye de les éviter le plus possible maintenant. Je peux vous promettre qu'au FICAM, il n'y avait absolument aucun problème et qu'il était très, très joignable. Nicolas ou Yann Song, non, pas forcément. Yann Song. Non, moi je ne l'ai jamais rencontré, contrairement, enfin, ça aurait été bien si on avait pu avoir des gens qui avaient fait cette masterclass, comme Claire avait fait. Mais non, par contre, moi j'ai vu pas mal de documentaires. Du coup, il y a eu notamment un making-of sur Kaguya, qui a été, je crois, c'est Canal+, je crois, qui d'ailleurs s'occupait de la distribution, mais pas traduit en français malheureusement, mais qui est trouvable quand même sur Internet. traduit en anglais. Donc, et là, justement, c'est ce que disait Stéphane, c'est on voit l'homme, quoi. On voit dans sa manière de, à la fois de diriger une équipe et puis ce côté aussi très, à la fois très sûr de lui et en même temps, il a un côté en fait un peu enfant rebelle, je trouve, Takahata, à la fois à Ghibli et puis même dans son parcours politique, tout ça, et ce qu'on sent dans ce documentaire et peut-être dans la vie aussi, certainement. Nicolas ? En fait, j'étais aussi à la masterclass à Annecy, mais il y avait aussi la masterclass à laquelle vous deviez y être, toi, je sais pas, Florian, mais toi, oui, au Forum des Images. Enfin, c'était pas vraiment une masterclass, c'était une discussion avec Michael Dudoc-de-Witt, finalement. Où, en fait, dans mon souvenir, en tout cas, il a beaucoup plus parlé que Michael Dudoc-de-Witt, qui a quand même un tempérament peut-être un peu plus timide et un peu moins expansif. Et Takahata s'est vraiment beaucoup exprimé. Et puis, je pense qu'il y avait le côté un peu, c'est le maître. Takahata qui parle, Michael Dudoc-de-Witt devait aussi, je sais pas, j'étais mal Là, c'était... Et il assumait ce rôle, hein. C'est-à-dire qu'il a beaucoup repris, par exemple, moi j'avais fait tout un billet pour raconter cette rencontre qui était, j'ai trouvé assez intéressante, un petit peu frustrante par moments, parce qu'elle portait peut-être un peu trop sur la tortue rouge, mais Dudoc-de-Witt citait des références de la littérature ou de l'art japonais en disant ça m'a inspiré parce que ça développe tel et tel thème, et évidemment il s'est fait reprendre par Isao Takahata en disant je pense, oui je vois très bien, c'est le... souvent en Occident on voit cette je ne me souviens plus de la référence, c'est quelque chose d'assez connu dans la culture japonaise, je peux le retrouver, mais il dit oui c'est souvent, mais alors je pense qu'il y a un petit malentendu, c'est pas tout à fait ça, mais je comprends très bien ce que vous voulez dire. Il a beaucoup parlé d'art aussi, justement, d'art japonais, des estampes, etc. Non, c'était vraiment intéressant. Par contre, évidemment, je n'ai jamais non plus eu 30 minutes avec Takahata. D'ailleurs, puisque moi j'ai eu la chance de l'interviewer plusieurs fois, Isao Takahata, la chance de. Je vous passerai peut-être un tout petit bout seulement, je vais privilégier le direct, mais un tout petit bout d'une interview que j'avais pu faire, que j'avais déjà passé à Bulle de Rêve. Et là, je vous avoue que j'essaye de voir avec le directeur du FICAM, on a fait une rencontre de plus de 2 heures, quasiment 2 heures, avec Isao Takahata. Lors du dernier, la dernière fois, il est venu au FICAM. Et bon, j'espère qu'on arrivera à le mettre sur internet bientôt. On va juste, Nicolas, écouter un tout petit bout. On va pas écouter un entier, deux morceaux que vous avez entendu un petit peu juste avant, qui s'appelle Panda Copanda. Bonjour Alexis Huneau, peut-être vous qui l'avez rencontré à de nombreuses reprises, peut-être pouvez-vous nous en parler de l'homme Takahata. Ça c'est un beau lancement, merci Stéphane. C'est quelque chose de très étonnant en fait, Takahata, et quand tu racontais tout à l'heure, la première fois où moi je l'ai rencontré, c'était dans un... Il était venu au Forum des Images, je l'avais rencontré pour Storyboard, et... j'angoissais évidemment énormément, surtout que j'avais peur et d'Isao Takahata et d'Ilan Nguyen, puisque c'était pas, Ilan n'était pas encore un ami, et j'avais qu'une trouille, c'était de dire la question vraiment stupide où Ilan regarde au ciel en faisant mon Dieu, qu'est-ce que je fais là? Est-ce que je pourrais être ailleurs? Ce que je l'ai vu souvent faire dans d'autres interviews. Donc j'avais vraiment la trouille, dont une de mes interviews avec Ken Satoshi, une interview que j'ai fait avec Ken Satoshi. Ilan peut être des fois un peu terrible comme ça, mais génial aussi, parce que ça veut dire qu'il vous pousse, vous-même en tant qu'intervieweur, à aller plus loin possible. Takahata, c'est... Alors moi, j'ai surtout beaucoup de chance, parce que je pense que je l'ai vu beaucoup évoluer, puisque je l'ai vu... Je pense que ma première interview était mes interviews, mes 3-4 interviews que j'ai fait avec Isao Takahata ont été sur quelque chose comme 10 ans. Et en fait, j'ai vu passer de quelqu'un qui s'intéressait énormément au cinéma à quelqu'un pour qui le cinéma était juste toute petite chose à un moment donné, enfin une chose en plus dans sa vie. Et l'art était aussi important, la communication, enfin voilà, avec les gens, la rencontre, etc. Et ça, c'est quelque chose d'étonnant, puisque quand on a eu la chance de le suivre, c'était passionnant, mais je sais que lors du dernier festival du FICAM, certains étaient très déçus, parce que je crois que c'est quelqu'un qui avait aucune envie de répéter 20 fois les mêmes choses en disant juste, oui, je sais, le tombeau des Lucioles, vous avez pleuré, alors voilà comment ça s'est passé, etc. Et en fait, et ça, c'est quelque chose d'assez fabuleux, c'est qu'on avait l'impression qu'à chaque fois, il y avait une strate. Et que si on loupait malheureusement une strat, des fois, voilà, il y avait quelque chose qui fonctionnait pas. Il nous a fait une masterclass sur la peinture japonaise, qu'on a dérouté largement plus dans un. Je veux savoir comment il a fait, ben voilà, telle scène dans Gauche, dans Gauchou, telle scène, dans, etc. Et c'est vrai qu'il n'en parlait plus. Et je pense que si moi je dois me souvenir de quelque chose, c'est pour ça que je parlais de vieux sages. Je vous disais hors antenne, je peux le dire évidemment, parce que c'est un moment. Il y a deux, trois moments qui sont étonnants. Le FICAM est un festival où on a la chance d'être vraiment avec les gens. Donc, ça fait très prétentieux là, au micro de dire, mais c'est vrai de se rappeler de manger une kefta dans un petit restaurant au FICAM avec Takahata. Et il y avait de ça, c'est-à-dire qu'il était de faire une visite des ruines romaines qui sont pas très loin de là-bas avec un guide marocain. Et alors, pour ceux qui connaissent Ilan, vous pouvez imaginer un guide marocain qui parlait beaucoup, qui racontait tout. Et Ilan qui voulait absolument tout traduire. Mais tout. Et donc, il passait du temps comme ça à traduire. Et à un moment donné, petit bonhomme, parce qu'il n'était pas très grand, il s'attaquait à un petit bonhomme, se retourne vers Ilan et fait. Alors, vous ne pouvez pas le voir à la radio, mais juste, il parle même pas. Il lui dit, c'est bon, en gros. T'as plus besoin de me traduire, je vais profiter de ce que je vois. Et en fait, c'était quelqu'un qui, dans la chance que j'ai eue de le connaître un tout petit peu, hein, c'est même pas le connaître, c'est à l'intérieur de festivals comme ça, de pouvoir le rencontrer quelques fois. Quand je parle il y avait une bonhomie savante qui était intéressante, parce qu'on sentait qu'il avait une espèce d'œil comme ça, sur la découverte, de regarder les gens et d'essayer de comprendre, et même, comme il comprenait en effet le français, on le voyait faire. Bouger la tête comme ça, là, de dire, il attendait quand même qu'il ait traduit, mais on sentait l'impatience de répondre et cette envie de répondre. Mais encore une fois, tu disais tout à l'heure, c'est vraiment intéressant. On était vraiment pas chez. Moi, j'en ai rencontré aussi des réalisateurs qui sont contents juste de l'anecdote qu'ils vont raconter, qu'ils racontent tout le temps. Et il y en a même en français maintenant, il y en a même, vous savez, qui vont faire et qui vont se dire, et vous êtes déçus. Moi, je me rappelle quand j'ai interviewé Ray Harryhausen pour la première fois, je me suis dit, enfin, une seule fois, donc grand monsieur, des effets spéciaux, Jason les Argonautes, je me suis dit, je lui ferai pas dire King Kong. Parce qu'il parle tout le temps de King Kong dans cette interview. Et c'était une espèce de challenge en disant, je ne lui ferai pas dire King Kong. J'ai fait revirer toutes mes questions, pour ceux qui posent des questions et qu'on va vous pouvez le savoir. Et ou de la deuxième question, évidemment, ça n'a pas manqué, il m'a parlé de King Kong. Et c'était juste décevant parce qu'il n'y avait aucune raison de répondre, mais il fallait qu'il se rattrape à ça. Et en fait, Isao Takahata ne se rattrapait à aucune branche. C'était pas. Je me rattrape à des choses faciles, quoi. Et il y avait en fait ce vrai plaisir et ce vrai bonheur de le. Ouais, ben d'apprendre finalement autant. Vous faites des interviews, je ne sais pas toi Stéphane, mais vous faites des interviews juste pour dire ça va bien marcher dans mon émission de radio, ça va bien marcher, etc. Et il y avait un vrai plaisir de l'écoute là, de Takahata et de ce qu'il allait dire, quoi. Oui, une vraie profondeur dans. Oui, si tu parlais de strat, une vraie profondeur. Quand on le questionnait sur la guerre, sur son passé, sur l'après-guerre aussi, il y a des choses très intéressantes sur. Justement, moi je l'avais questionné sur la distanciation qu'il essayait de créer dans ses films, la distance qu'il essayait de créer entre le spectateur et les personnages, cette réflexion qu'il voulait amener chez le spectateur par rapport à ce qui se déroulait à l'écran, par rapport aux actions des personnages, et quelque chose d'ailleurs dont il regrettait de ne pas avoir réussi totalement dans Le Tombeau des Lucioles, puisque l'émotion prend le pas sur la réflexion et on sort bouleversé du film. Au lieu de se poser des questions sur les motivations de chacun des personnages, y compris celles des enfants. Et donc cette distanciation, il expliquait c'était lié au changement à 180 degrés des valeurs. Ce changement de valeurs qui a eu lieu après la guerre, après la défaite japonaise. Et lui disait que comme il n'avait pas appartenu à la génération qui avait vécu vraiment la guerre, qui avait été endoctrinée pendant la guerre, a vécu ce bouleversement culturel avec beaucoup de distance. et qu'il essayait de reproduire cette distanciation, cette distanciation qui n'est pas quelque chose de nouveau que Bertolt Brecht avait théorisé dans son théâtre, mais qu'il essayait de reproduire cette distance et cette réflexion par rapport aux motivations profondes de ses personnages dans ses films. D'ailleurs, je voulais en parler à la fin, mais je trouve que justement, par rapport à ce que tu dis, hein, on peut toujours se poser la question de l'héritage. Je me suis toujours posé la question de l'animation, de l'héritage de réalisateur, et que j'ai toujours trouvé qu'il n'y avait pas tant d'héritage que ça chez réalisateur. Peut-être que le seul qui donne un héritage, et qui est vivant toujours, hein, qui est Jean-François Laguioni, où souvent j'entends des réalisateurs dire « Jean-François Laguioni m'a donné envie de faire des films », ça c'est vraiment de l'entendre parler. Et Isao Takahata, à mon avis, a un véritable bel héritage, et notamment dans la personnalité de Keiichi Hara, par exemple de Ku, et aussi de Sunao Katabuchi. Avec son dernier film Dans un recoin de ce monde, je vois Yann Song et Nicolas en parler, avec justement peut-être plus de distanciation, avec d'émotion, mais peut-être une compréhension de ce qu'a fait Takahata, et finalement de le redonner dans son cinéma. Qu'est-ce que vous pensez de cette idée d'héritage d'Isao Takahata? Juste oui, c'est bien, hein, c'est pas... quand je dis juste pardon à chaque fois, j'ai ce mauvais tic, mais Nicolas, ben, disons que le cinéma d'Isao Takahata, pour moi déjà, c'est un cinéma qui est quand même extrêmement réaliste et marqué par une profonde envie de réalisme. Et à partir de là, je me demande si... Enfin, je pense qu'il peut y avoir un héritage, clairement, ça, oui. Mais je me demande si aussi, rien que Takahata, lui, n'a pas simplement hérité du cinéma en prise de vue continue, finalement, et que les autres réalisateurs n'ont pas forcément aussi hérité de ce même cinéma. Est-ce que l'héritage est direct vis-à-vis de Takahata, ou est-ce que finalement il vient de plus loin dans la culture cinématographique japonaise? Peut-être qu'il vient aussi simplement de la prise de vue continue aussi, et de l'espèce de réalisme de ces films-là, et de certains cinéastes des années 30-40. 50. Ah, j'ai demandé à Yann Song et à Flandre de rebondir, parce que Yann Song, tu nous as dit que toi, justement, ça t'avait amené à la prise de vue continue presque, et c'était un cinéma qui avait fait voilà, défiler d'autres. Qu'est-ce que tu en penses de... Ouais, moi, c'est surtout ça qui me frappe en fait chez Takahata, c'est qu'à chaque film, là, j'ai revu quelques films du coup, enfin, justement, à sa disparition, mais je trouve qu'en fait, à chaque film, je pense que c'est ça aussi qui fait que c'est un grand cinéaste, quoi, c'est que. Il essaie de dépasser en fait les limites de son art, et à la fois en termes esthétiques, en termes de narration, en termes aussi voilà politiques. Et quand c'est pour ça que bon, quand il fait Le Tombeau des Lucioles, un film sur la bombe atomique en animation, ça n'a jamais été fait, quoi. Il y a eu voilà, il y a des exemples en prise de vue continue, mais en animation ça n'a jamais été fait. Et dans la question de l'héritage, quand Sunao Katabuchi fait Dans un recoin de ce monde, il est obligé de penser en fait au Tombeau des Lucioles, c'est inévitable, quoi. Et du coup, je crois que c'est en ça, voilà, moi c'est en ça que j'ai une admiration absolue pour Takahata, parce qu'il y a un moment où c'est des cinéastes qui font des œuvres qui servent de référence en fait pour une postérité ou. Et voilà, quand je parlais moi de ce que ça m'a, enfin quand Takahata m'a fait découvrir aussi d'autres films, même avec des films plus entre guillemets, on va parler de chronique ou de façon anecdotique, je sais pas, comme on va dire les Yamada ou Kiyé. Kiyé, moi ça me fait découvrir Kitano par exemple, en fait, parce que entre Kiyé voilà, je suis en train de réaliser avec Kikujiro par exemple, enfin voilà, il y a plein de liens, enfin. Et voilà, c'est tout ça, et évidemment avec le cinéma de Ozu pour le truc. Enfin, à ton avis, toi qui es aussi qui est animateur, le fait que Takahata soit pas animateur lui-même et soit réalisateur justement sans animer, ça, moi j'ai toujours l'impression que ça a changé un peu le rapport finalement à son cinéma et au cinéma d'animation même, le fait de pas être animateur. Bah, ouais, c'est, disons que je sais pas, parce que l'expérience j'ai pas de ça, mais encore une fois, en regardant le documentaire, en fait on voit bien qu'il est obligé de passer énormément par la parole, par le langage à la fois corporel, verbal évidemment, donc il va beaucoup mimer, il va beaucoup beaucoup étudier, et en fait il y a quelque chose qui est du coup qui passe effectivement beaucoup par l'analyse en fait, qui est pas du tout dans une approche, qui est aussi dans une approche de la main, mais de manière beaucoup plus consciente en fait, beaucoup plus intellectualisée. Et je trouve que ça c'est très en lien, je pense, avec ça, même sans l'avoir connu, hein, je sais pas, mais je pense que quand on l'entend parler, on comprend que c'est quelqu'un qui est vraiment dans la réflexion permanente, quoi. Contrairement à, justement, on va pas les comparer tout le temps, mais à Miyazaki, qui certainement est vraiment dans le faire et constamment dans le faire, et moi c'est pour ça que je trouve ces documentaires, même s'ils sont pas, enfin à voir sont passionnants, les deux documentaires sur leurs deux derniers films, peut-être pas les derniers pour Miyazaki, mais où en fait on voit la différence de travail entre les deux, quoi. Ozu, Kurosawa, Mizoguchi, enfin tout ça est mis au même niveau que Takahata. Ça te paraît, ou Takahata mis au même niveau que tous ces gens-là, ça te paraît normal, toi qui disais justement qu'il n'y avait pas de différence. Complètement, même surtout sur les deux derniers, parce que moi, pour le coup, j'avais réussi à approcher le grand Ilan Nguyen au Café des Arts, tu comprends, ouais, Annecy. Et c'était justement après la présentation de Kaguya, et je lui parlais du deuxième tiers du film, donc le moment où on brocarde les nobles et tout ça. Et Kaguya, c'est la première fois que Takahata fait travailler Hisaishi sur la musique, alors qu'il avait présenté Miyazaki, etc. Donc le compositeur de Kitano et de Miyazaki principalement. Et ben au moment où on se moque des dignitaires, au moment où on brocarde les dignitaires, le changement de musique est radical. On n'est plus du tout dans la musique traditionnelle, orchestrale de Hisaishi telle qu'on la connaît. On est dans une sorte de jazz minimaliste qui ressemble complètement à ce que faisait Akayasa, qui était le compositeur de Mizoguchi et de Kurosawa dans les années 40-50, enfin 40 au moins. Donc on est complètement là-dedans, à 100%. Et quand on parle du réalisme, cette fameuse rencontre là, animée par Xavier, où il parlait justement des traductions, puisque justement, on n'arrête pas de le dire, mais il comprenait le français. Lui, il aurait traduit Monogatari par l'histoire, et pas par le conte. Et c'était l'histoire de la princesse Kaguya. Et c'est ça, en fait, Kaguya. C'est l'histoire de cette fille. C'est le conte du coupeur de bambou. Mais là, c'est le coupeur de bambou, il sert à rien. On s'intéresse à cette fille, à cette jeune femme, et à ce qu'elle devient. Donc on est dans un conte, mais avec un réalisme total. Alors ce que je vous propose, c'est que je vais changer un tout petit peu, parce que je voulais faire, mais on va pas faire, parce que c'est finalement plus intéressant comme ça de pas rester, je voulais passer sur ça. On a entendu Panda Cop Panda pour parler d'autre chose aussi, hein, pas une espèce de prêt Totoro. Moi je me rappelle avoir vu Panda Cop Panda dans une rétrospective Japon à Annecy, à l'époque où Annecy faisait des rétrospectives absolument gigantesques, fleuve comme ça, Ilan était là, et Panda Cop Panda non sous-titré, le premier épisode, on était juste tous restés en bouche bée, en disant mais qu'est-ce qui est en train de se passer, qu'est-ce qu'on voit, et à quel point l'animation japonaise quand même est très forte, évidemment, et d'une grande force. On va faire une petite pause musicale, et je vais quand même demander, parce qu'il est là, et je sais que même s'il ne voulait pas parler, je demanderai après à Francis quand même, puisqu'il est présent, juste de dire un tout petit mot, ce qu'il veut par rapport à ça. On va écouter Lettre à la petite amie de l'ennemi public numéro 1 mon album préféré de Digelin, qui s'appelle No Man's Land, en 1978. Je vais te dire, j'ai mal au cul et au cœur. Ça fait 3 heures que je glande dans ce bar plein rue de l'ambre. Quand je serai dehors, j'en aurai fini pour longtemps. Cherche des crosses. par la fenêtre de la PJ. À moins que je finisse au cyanure, mélangé à de la confiture. Donc Isao Takahata, et cette partie, en fait, comme je vous dis, j'ai changé un tout petit peu. Je voulais revenir sur avec Panda Copanda sur les débuts, puis finalement je me rends compte que quand même le débat fonctionne, il est plus intéressant de partir sur des choses comme ça. Donc je voulais arriver sur le, et c'est pour ça que Francis, je te demandais de peut-être commencer. Tu peux donner ton avis, bien évidemment, même si c'est l'idée même, hein, de l'émission, on n'est pas d'accord. Il y a une vraie volonté de cinéma chez Isao Takahata qui se transforme vraiment selon les films. On va avoir quasiment un film à sketch avec évidemment les Yamada, qu'on peut en effet revoir comme un film italien, un grand film italien de sketch, ou des films à comédie américaine. On va avoir d'un seul coup dans Kaguya quelque chose qui va en effet être pourquoi pas plus proche de la grande époque de Mizoguchi, d'une grande époque de Mizoguchi par exemple. Encore une fois, on peut dire d'autres choses, hein. Et on a l'impression comme ça qu'il s'attache, et surtout qu'il y a une vraie volonté de travailler le cadrage, la mise en scène. On va avoir des moments donnés où la caméra va pouvoir, comme dans cette fin de Kaguya, être très va s'élever dans les airs, ou au contraire d'un seul coup va être très fixe. Et il y a une vraie un vrai changement de cinéma presque pendant tout le long de sa cinématographie, là où c'est vrai qu'on peut avoir pour d'autres réalisateurs plus une voilà, pas un boulevard, mais en tout cas une même manière de faire les choses. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Francis? Tu peux évidemment revenir, je t'ai pas fait parler avant, mais commencer en disant le premier film que tu as vu, enfin voilà, et puis pour toi. Enfin, c'est même pas ça, par contre, c'est par rapport à ce que disait entre autres Stéphane, et que je trouve absolument passionnant, parce que soit en tant que critique, c'est une question qu'on se pose souvent, soit après quand on essaye modestement de faire des films, et que quand tu parles de cette idée de la distance, et qu'il est déçu, finalement, parce que dans Le Tombeau des Lucioles, à la fin, les gens sont plus émus qu'en réflexion. Mais je trouve que c'est effectivement une idée très forte, quand même quelqu'un comme Takahata, qui a quand même un certain pouvoir pour faire ses films, on arrive à songer à ça. J'ai envie d'en savoir plus. Là, je dirais sur la production en elle-même du film. Comment, à quel moment, justement, lui est maître de tout, arrive à décider de tout, ou à quel moment on vient quand même intervenir, ou on le met en garde, ou il y a comme ça des discussions avec la production, même si évidemment il en est partie prenante lui-même. Et donc avoir ce type de réflexion, je trouve que c'est absolument passionnant, parce que effectivement on peut se dire, est-ce que le cinéma dans l'ensemble n'est pas toujours sur cette même rengaine de l'émotion, qui peut être évidemment très fort, très agréable en tant que sentiment de spectateur. Effectivement, Le Tombeau des Lucioles, la fin, on est dans un état d'effroi total, et c'est une des grandes forces du film. Mais peut-être qu'on est envahi par ce sentiment de l'émotion qui va être aujourd'hui encore plus prégnant, parce qu'on est dans la réactivité à tout, à coup de réseaux sociaux, et que justement peut-être ce qui est très beau dans Kaguya, qui moi est peut-être, alors là, le film que je préfère, je connais pas bien toute sa cinématographie, mais là moi c'est le film qui est une claque. Je crois que j'oublierai jamais, même si je vais sûrement le raconter hyper mal, ce moment où elle s'enfuit. Mais là c'est un moment qui... enfin, voilà, voilà, c'est un moment ça, de cinéma extraordinaire, quoi, avec cette... Dans mon souvenir, il y a un travelling latéral, elle s'enfuit, ça devient abstrait, le décor s'évanouit pour qu'on ne soit plus sur sa ligne de fuite, sa fuite qui devient une ligne de fuite, quoi. Mais là, c'est un moment de mise en scène. Alors, effectivement, en même temps, c'est un moment de mise en scène peut-être avec les moyens de l'animation aussi. C'est-à-dire que, bah voilà, la technique qu'il a choisie, c'est l'animation. Donc, d'un seul coup, il se dit, avec ces moyens-là, comment je vais l'exprimer? Mais en même temps, cette idée du... Pour moi, ce qui reste, voilà, cette idée du travelling, tout ça, on est dans des choses peut-être plus rares en animation. Et d'un seul coup, là, il y a une force, là, il y a une puissance. Alors, effectivement, ce qui est peut-être que rejoint finalement ma réflexion de début sur la distance, c'est que d'un seul coup, on est à distance dans la forme, mais on est à 100% dans son émotion à elle, pas la nôtre, dans son émotion à elle en tant que personnage. Et ça tient auprès du génie, quoi. Alors, autour de la table, moi, je sais qu'il y a quelque chose... Je me rappelle toujours, j'étais... mais je crois presque autant bouleversé à voir ce film que Le Tombeau des Lucioles, pas complètement, mais qui est Gauchou, le violoncelliste, où je trouve qu'il y a une intelligence d'un seul coup avec ces personnages qui arrivent, puis qui lui disent quelque chose, et puis on a ce personnage presque pas antipathique, mais quasiment, qui est Gauchou, hein, qui est vraiment un peu insupportable. On lui dit, bah, t'écoutes un petit peu. Et puis, cette espèce de pas de morale, justement, d'un seul coup, et puis il comprend. Puis les choses arrivent, on a l'impression d'une douceur dans cette compréhension, de cet apprentissage finalement qu'on a de la vie, d'une intelligence de... Parce que ça, un peu, c'est des répétitions, on pourrait se dire, bon, on a compris, et à la fois, ça amène une petite chose en plus à chaque fois. Qu'est-ce qui vous marque dans le... Alors, où ça, ou qu'est-ce qui vous a marqué comme scène, comme moment qui fait qu'on... Bah, d'un seul coup, Takahata sort comme réalisateur. Je vois Nicolas qui est près du micro, qui a... Non, c'est juste que pour Gauchou, en fait, il y a aussi quelque chose qui est intéressant, c'est que, comme tu dis, il n'y a pas de morale, mais c'est parce que jusqu'à la fin, en fait, lui-même ne comprend pas. Il est incapable de comprendre même qu'il s'est amélioré, puisque jusqu'au moment où il rentre sur scène en se disant, tout le monde va se moquer de moi, je vais me jouer d'eux. Et en fait, c'est uniquement dans la dernière minute, finalement, qu'il comprend qu'il a réussi à s'améliorer. C'est ça qui est aussi assez fort. Lui-même n'a vraiment absolument aucune conscience de lui-même, aucune conscience de son talent, et non plus aucune conscience de ce qu'il a pu apprendre pendant l'intégration du film et avec les animaux. C'est l'une des forces aussi de Takahata dans Pompoko, qui est là, moi aussi, l'un de mes films absolument préférés. Enfin, quand j'ai regardé la liste justement après, c'est juste film préféré. Il y a Chorus que j'ai vu un petit peu tard, donc peut-être que c'est un petit peu moins, mais c'est juste parce qu'il est un peu, voilà, un petit peu différent, mais tous les autres. Et dans Pompoko, qui est un film que j'adore, ils sont aussi terribles, ces agneaux qui veulent manger quand même des hamburgers. Enfin voilà, ils regardent la télé. Et il y a vraiment cette force, alors encore plus, je trouve, que chez... Et on va parler un peu tout à l'heure par rapport à Miyazaki, bien sûr, de ces deux, mais ouais, de jamais vouloir pointer du doigt, dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, et puis de nous laisser finalement, nous spectateurs, un peu nous débrouiller finalement avec ce qu'il nous donne. Je vois Stéphane qui s'approche, puis après Yann Song et... Oui, mais alors, moi je l'opposerais pas à Miyazaki là-dessus, parce que l'un comme l'autre refuse tout manichéisme, souvent dans les films de Miyazaki... il y a un affrontement de logique, en fait. Il n'y a pas de jugement de valeur tellement dans Princesse Mononoke, qui est un film, enfin moi je trouve son film le plus admirable. Il y a vraiment des affrontements de logique. Il y a effectivement des personnages qui sont peut-être qu'on pourrait désigner plus facilement de méchants, mais même à la fin on comprend qu'ils ne sont pas forcément des méchants archétypaux. Ils ont chacun leur raison et chacun a le temps d'exposer cette raison. Tu as raison absolument. J'ai voulu les opposer sur quelque chose qui n'avait aucune raison d'être. Mais non, mais ils ont. Moi, je trouve que ce qu'il y a de très beau dans Gauchou le violoncelliste et Pompoko, c'est ce rapport aussi à la nature et aux animaux. C'est des films des années 80 ou 90. On est quand même très 94 très 80 pour Pompoko, ouais. Et 82 pour Gauchou. On est voilà dans une réflexion bon alors on, maintenant qui est assez généralisée, y compris dans des grosses productions américaines ou anglaises, sur le rapport aux animaux. Est-ce que les animaux est-ce qu'il faut traiter les animaux d'égal à égal par rapport aux hommes, tout ce débat sur le spécisme, etc. Et donc là on est vraiment, surtout dans Pompoko évidemment, mais même dans Gauchou le violoncelliste, où les animaux sont éminemment humains, très irrévérencieux, n'hésite pas à dire au violoncelliste qu'il joue comme une casserole. Et dans Pompoco, ils sont mais d'une exubérance. Alors vraiment, tu parlais du cinéma italien. On est chez Fellini là. Surtout quand ils se mettent à voler avec leur testicule volant, c'est absolument fascinant. Et donc voilà, moi ça m'avait frappé à l'époque quand j'avais vu ces deux films. Enfin, quand j'avais vu Pompoco et puis Gauche ou le violoncelliste. Florian. Puis après, il y a un son, ouais. Ben, on va rejoindre ça. Moi, je pinais de la tête. C'est le rapport à la nature. Et puis, ce que disait Nicolas tout à l'heure, on a quasiment une structure de film d'arts martiaux, en fait, sur l'apprentissage de Gauche, qui ne réalise pas, justement, qu'il progresse, puisque comme il s'entraîne tous les jours, en fait, il faut une forme de break. Là, le break, c'est le concert, en fait. Et c'est cet apprentissage, donc, avec les arts martiaux qui avaient les styles animaux. Bon, ben là, c'est des animaux qui viennent le faire progresser dans sa musique. Donc il y a plein de points communs aussi avec des choses très traditionnelles, encore une fois, sur une structure qui est somme toute relativement européenne quand on voit le film, quoi. Il a une apparence occidentale et il est très très japonais, encore une fois, quoi. Yann Sang. Moi en fait il y a une chose un peu qui me frappe quand je vois les... Alors pas tous les films de Takahata, mais une bonne partie, c'est que j'ai l'impression qu'il travaille énormément une question... qui l'obsède, j'ai l'impression, dans tous ses films, c'est la sorte de captation de l'éphémère, quoi. Où il y a vraiment l'idée qu'il a, il veut absolument capter le temps qui passe, et à la fois dans la vie, c'est pour ça son obsession de la réalité, de capter les moindres mouvements, et quand on voit à la fois dans le nombre de, par exemple, de fruits coupés, ça peut paraître bête, mais qu'il y a dans toute sa filmographie. Du tombeau des lucioles ou avec la pastèque ou mais des polo polo avec l'ananas et puis jusqu'à au melon dans Kaguya, il y a une sorte de d'envie de capter le moment vraiment éphémère, quoi. Et ça, c'est quelque chose justement qui après s'inscrit au fur et à mesure dans sa filmographie, j'ai l'impression, dans une logique même graphique, quoi. Donc de Yamada, où on va essayer d'avoir la ligne de capter un mouvement simplement esquissé, quoi, un croquis, et jusqu'à Kaguya, qui est, je pense, moi aussi un de mes films préférés. Et je sais plus ce que je disais à part ça. Non, mais c'est très vrai ce que tu dis, ce côté tangible, c'est-à-dire dans Kaguya, cette scène avec le melon où il y a une sensation physique du spectateur à regarder cette ce sont deux, je crois, deux enfants, Kaguya et un autre enfant, puiser dans le melon, enlever les pépins, le melon encore chaud parce qu'il était au soleil. Il y a quelque chose de très charnel, quoi, très tangible, quoi, et qu'on ressent souvent chez lui, oui. Et aussi, je pense que tout à l'heure, Alexis essayait d'opposer peut-être Miyazaki et Takahata. Je pense que s'il y a peut-être aussi un élément, peut-être tout bête aussi, qui les oppose un peu, c'est le rapport à la nourriture. Où en fait, chez Takahata, il est extrêmement maniériste, très exagéré. Chez Miyazaki, il est très exagéré, notamment dans Chihiro, avec les parents qui se transforment, etc. Tandis que chez Takahata, et comme chez beaucoup, justement, de cinéastes réalistes japonais, il y a un très fort rapport à la nourriture, où en fait, les gens mangent tout le temps, mais on ne le voit qu'à peine. Dans Souvenir goutte à goutte, il y a énormément de séquences où en fait on les voit simplement manger quelque chose. Dans Kie, elle est dans un restaurant, elle passe son temps aussi à manger. Dans Mes voisins les Yamada, il y a énormément de séquences aussi avec de la nourriture et où la nourriture prend extrêmement d'importance. Mais c'est des séquences qui passent complètement inaperçues, qu'on voit à peine et qui entrent dans la logique du récit et dans la logique réaliste. Où en fait dans le cinéma asiatique et pas forcément japonais mais aussi coréen, chinois, etc., on a vraiment toujours un rapport à la nourriture qu'on n'a pas bizarrement en Europe, en France même, ou dans le cinéma occidental. Qui a une espèce de rapport à la nourriture comme espèce de lien social qui marque un rapport historique ou un rapport économique ou sociologique assez important et qu'on retrouve vraiment film après film chez Takahata aussi. Et on l'a vraiment partout, même dans le Tombeau des Lucioles notamment. Et là, c'était pareil, c'était une interview qui était dans le dossier Collège au cinéma sur le Tombeau des Lucioles où en fait... Donc il y a eu une... Dans ce dossier Collège au cinéma sur le Tombeau des Lucioles, il y a une interview de Takahata qu'il a donnée juste avant la sortie du Tombeau des Lucioles au Japon, et où en fait il disait justement, il comparait Setsuko, donc le petit garçon, l'adolescent plutôt, où en fait il disait que de toute façon, lui, il se comportait comme une mère et que ses deux seuls... les deux seules choses qu'il faisait par rapport à la petite fille, en fait, qui étaient importantes, c'était nourrir et se nourrir dans un certain sens. Et il y a toujours un rapport à la nourriture qui est assez important, mais qui coule de source et qui entre complètement dans la question du réalisme. してこっさり飲み込めば変化は誰にでもできる 俺たちタヌキは人がいい調子に乗るサービスシールこれが失敗のもとじゃ分かったかな 面白おてやがて悲しきタヌキかな。 Beaucoup, évidemment. Il ne faut pas oublier quelque chose, parce qu'on parle beaucoup de drame, on a parlé, en effet, sur la torture. Il y a aussi beaucoup de comédie. Et c'est un cinéma qui se veut drôle, d'ailleurs, et dans cette fameuse opposition. D'ailleurs, on pourra se poser la question, finalement, est-ce que c'est pas si mal que ça d'avoir une opposition entre deux grands cinéastes comme ça, deux visions de cinéma différentes. On n'en a jamais en cinéma d'animation, c'est comme si on voulait surtout pas. Et puis d'un seul coup, je trouve que c'est nos Beatles, c'est nos Rolling Stones à nous. Et c'est peut-être finalement pas si mal que ça aussi de pouvoir opposer deux cinéastes en y réfléchissant et en faisant pas de bêtises, comme heureusement Stéphane, tu m'as repris en effet en voulant pas les opposer juste pour le plaisir de les opposer. Mais en tout cas, je pense qu'il y a quelque chose. Et notamment, alors Ilan, j'espère, écoutera cette émission et dira mais qu'est-ce qu'il dit comme bêtise, parce qu'après il me reprendra. Je sais qu'à un moment donné, Takahata, par côté très malicieux, Takahata était quelqu'un de très très malicieux, disait qu'en gros le meilleur film de Miyazaki était Le Château de Cagliostro, qui est le premier long métrage de Miyazaki, parce qu'au moins le film était drôle et il y avait de la comédie, et qu'à un moment donné il a oublié d'avoir la comédie, et lui dit à quel point pour lui c'était important de tenter qu'il y ait tout le temps enfin un mélange de sentiments et que ça soit pas justement que dramatique, que drôle, et qu'on soit un peu amené dans tous les sens. C'est drôle aussi Takahata, non Nicolas? Oui, c'est ce que je disais par rapport à Kiyé. Moi, ouais, je trouve ça assez drôle, même si étrangement, quand on y pense et quand on essaie de faire le résumé, ça a l'air extrêmement dramatique et ça devrait presque l'être. Mais en fait, finalement, c'est quand même très très drôle et très très amusant. C'est pareil pour Pomco Poco, où en fait, il y a des séquences qui sont quand même vraiment hilarantes, alors que le film est pourtant d'une violence et d'une drame. Enfin, c'est vraiment extrêmement dramatique, quoi, comme film. Pareil aussi, il y a toujours quelque chose d'assez léger et d'assez amusant dans Souvenir goutte à goutte, alors que pourtant le film aussi traite de sujets qui sont extrêmement sérieux. Et voilà. Stéphane. Bah oui, oui, oui. Moi, je trouve que le plus drôle, c'est Mes voisins les Yamada, parce que c'est une chronique, c'est aigre-doux, disons, mais ça n'a pas l'amertume de Pompoko, qui laisse vraiment un goût de tragédie grecque ou de western à la Fuller, je sais pas, parce que vraiment c'est terrifiant ce qui leur arrive à ces pauvres tanuki si joviaux et si sympathiques, donc et qui sont résolus à ne rien céder à l'ennemi humain jusqu'à aller, ils vont jusqu'à quand même tuer des hommes, voilà, c'est une lutte à mort, c'est une lutte à mort Pompoko, donc c'est pour ça que c'est quand même bon. Dans qui est la petite peste aussi, il y a cette notion de presque oui, c'est ça, de comédie italienne. Oui, tu parlais de comédie italienne. Oui, c'est, on est plus proche de la comédie italienne et de son exubérance avec ses personnages presque déviants, enfin alcooliques, presque affreux, sales et méchants. Et puis il y a aussi le fait que, alors je peux me tromper, mais je pense que au Japon, au tout début des années 80, le divorce était encore plus mal perçu ou plus, enfin, plus difficile à vivre que en Europe, même à la même époque. Et du coup, finalement, même le fait que la mère soit partie ou soit séparée, qu'elle voit encore la petite fille, etc., il y a quelque chose qui pourrait être profondément triste et extrêmement anxiogène et qu'il l'est pas du tout au final. Est-ce qu'on peut dire, Yann Song Florian, que cette volonté aussi d'être, alors mon réalisme, je sais pas ce que ça veut dire, mais en tout cas d'être basé dans la réalité, qu'elle soit, alors je me rappelle plus, j'ai un trou de mémoire, mais tu es la petite peste qui je crois est à Osaka, parce que d'après ce qu'il disait, il y avait le dialecte hein, d'Osaka, il y avait du voilà, et à chaque fois on a l'impression que c'est important dans le tombeau du soleil, il va faire très attention à ce que même le bruit à la rigueur de l'avion qui va passer au-dessus n'est pas un bruit juste au hasard, mais il va vraiment réfléchir à ça. Enfin voilà, tout est basé aussi dans ce réalisme là qui fait que finalement. C'est encore moi qui veux absolument le poser avec Miyazaki. Miyazaki, lui, qui est évidemment dans un côté très beaucoup sur la fantaisie, on va dire. Mais ce qui fait qu'on est dans des tragicomédies, comme on vient de le dire, absolument tout le temps, parce que la vie, elle est comme ça, quoi. On passe dans des situations un peu différentes. Yann Song, sur cette idée de réalité, important dans les films de Takahata. Ouais, bah, justement, moi, parce que par rapport justement à cette notion de réalisme et où il arrive quand même à amener de l'humour et de la légèreté dans des scènes quotidiennes qui même parfois peuvent paraître dures, parce que je pense que justement c'est parce que la réalité prime en fait et que il a pas sa vision, j'ai l'impression, c'est qu'il veut une vision de la plus juste possible et de la plus vraie au sens de en fait Takahata c'est presque il fait du constat quoi, c'est il cherche pas du tout à idéaliser. Et c'est en ça aussi que je pense que c'est une des grandes différences. Enfin, j'aime pas les comparer, bref. Mais c'est que je pense que Takahata, par exemple, ses personnages, dès le début du film, en fait, ils ont presque une trajectoire donnée. C'est quand on voit, moi ça me frappe à chaque fois que je vois Kaguya et même d'autres films, Le Tombeau des Lucioles évidemment, où on sait dès le début que l'enfant est mort, c'est là est mort. Mais même dans Kaguya, dès le début du film, quand elle apprend à marcher, il y a une scène extraordinaire, enfin, je crois que c'est une des plus belles scènes du film. Pour moi, c'est qu'elle apprend à marcher, elle est entre les deux, ses parents et ses amis. Et au moment où elle apprend à marcher, en fait, on comprend qu'elle a son choix de vie, il est là, quoi. C'est est-ce qu'elle va aller vers ses amis ou est-ce qu'elle va aller vers ses parents? Et il y a quelque chose, voilà. Et en même temps, la scène, elle est extrêmement drôle, quoi. Il y a une scène hyper enjouée, hyper, qui est dans la vie tout le temps, où le coupeur de bambou, il a des expressions faciales à hurler de rire, il y a une musique qui est prenante et tout. Et en même temps, ce que ça dit là, ça dit tout le film. C'est-à-dire qu'à la fin, en fait, elle va choisir. Les parents, la ville, et d'une certaine manière un certain enfermement, quoi. Et je trouve que chez Takahata, voilà, c'est ça, c'est que même quand il prend la vie, en fait, il la prend telle qu'elle est, et elle peut très mal finir, mais il y a toujours des moments de, voilà, de légèreté, de soulagement. Florian? Oui, bon, déjà, moi, ça me fait sourire, puisque depuis tout à l'heure, quand on entend parler Miyazaki, Takahata, et que toi-même, tu as parlé de ça, c'est vrai que ça fait très Stones, Beatles, Oasis, Blur, Prince ou Michael, enfin, ça fait très, il y a vraiment un petit peu ce faux débat, comme si on n'a pas le droit d'aimer les deux, ou de prendre, on est obligé d'en préférer un, ou de ce genre de choses, quoi, en tout cas. Mais sinon, oui, on a aussi évoqué tout à l'heure, vite fait, Kitano, c'est vrai qu'il y a cet humour, qui est prégnant, qui est, je vais citer Chloé, ma collègue au studio et puis qui est rédactrice pour Benchy, et dans une des fiches Benchy sur un Takahata, je ne sais plus lequel, elle évoque l'humour crétin de Takahata, et il n'y a pas d'ambiguïté dans son texte, on comprend bien qu'elle ne veut pas dire qu'il fait un cinéma de crétin ou quoi que ce soit, mais il a le don pour de temps en temps avoir des instants crétins dans ses films qui sont vachement importants. Et sinon, sur le réalisme dans l'onirisme, moi ça m'évoque aussi un autre cinéaste qui est Herzog, Werner Herzog, qui a vraiment ce côté à aller très très loin dans le réalisme pour nous emmener ailleurs, par exemple dans Aguirre, ou qui va avoir des mises en scène quasi de films de fiction dans ses documentaires. Et il va vraiment toujours jouer comme ça sur le fil un petit peu du rasoir. Donc il y a 2-3 petits points communs quand même, encore une fois, que de la prise de vue continue d'ailleurs. Décidément, avec Miyazaki et Takahata, de toute façon, on en finira pas. Hein. Les deux d'ailleurs écrivaient des textes des fois un peu... Oui, ils étaient quand même assez rivaux sur la fin. Il y a eu un documentaire qui était diffusé à Annecy l'année de la sortie, voilà, qui est un documentaire assez incroyable, qui est plus un portrait de Miyazaki qu'un. Et en vide de Takahata. Voilà, c'est même un making of du Vent se lève en fait. Oui, c'est ça. Les deux normalement là-bas, c'était des deux. Et ça se transforme en. Voilà, et Toshio Suzuki dit à un moment. Bah, Miyazaki a fait Le Vent se lève dans le nord de Tokyo et Isao Takahata a fait Le Conte de la princesse Kaguya au sud de Tokyo. Ça résume assez bien leur relation. Sachant que les deux disaient, et ça c'est important, Miyazaki disait à quel point la rencontre de Takahata était primordiale pour lui et qu'il en aurait peut-être pas fait sa carrière sûrement, et que Takahata disait aussi l'importance de rencontrer Miyazaki a été évidemment fondamentale pour lui aussi. Donc je pense que c'est pour ça qu'elle est intéressante, c'est que pour moi elle oppose vraiment aussi deux cinémas, deux envies, deux manières de faire les choses finalement. L'un de dire on va manger en 30 minutes, c'est juste pour manger, et l'autre qui va dire on va manger en 2 heures, qu'on va prendre une sieste et qu'on verra après, et qu'on va passer 3 jours sans rien faire, et que le quatrième on fera peut-être quelque chose, alors que l'autre, si on passait 10 minutes, je caricature mais c'est pas loin quand on regarde les documentaires, si on passe 10 minutes sans rien faire, il y a un côté un peu effrayant, le film ne va pas avancer quoi. Et juste une petite référence, mais il y a aussi par rapport à l'opposition entre les deux et au travail vraiment entre les deux, et Toshio Suzuki dont tu parlais, il y a un petit livre qui est sorti il y a quelques années, je ne sais plus exactement le titre, mais de Toshio Suzuki, qui a été traduit, qui est plein d'anecdotes, qui peut être un peu anecdotique, mais qui montre bien aussi à quel point le travail de l'un et de l'autre, on va dire, peuvent se compléter au sein du studio, mais aussi à quel point ils peuvent être un peu... Oui, qui raconte, je crois que c'est dans ce livre qu'il raconte la fabrication concomitante donc du Tombeau des Lucioles et de Totoro. Ouais. Le Tombeau des Lucioles, Toshio Suzuki travaillait avec Takahata le jour, et la nuit, il retrouvait Miyazaki pour travailler sur Totoro, Miyazaki n'étant pas très content de se retrouver, de devoir retrouver la nuit son producteur. Ouais, et puis aussi, il parlait justement de la sortie compliquée du Tombeau des Lucioles, parce qu'il avait pris du retard, etc., et que ça avait engendré des problèmes de production. Il y avait même certaines projections où le Tombeau des Lucioles n'était pas fini. Ouais. Il y avait encore des scènes rough comme ça, mais qui devaient le passer, parce que les cinémas devaient le passer. Mes invités vont devoir partir. L'idée, c'était de demander à chacun, en fait, juste après la pause, leur film préféré et pourquoi d'Isao Takahata. J'ai posé la question à plusieurs personnes. Sur Facebook, et Cédric Villain, réalisateur de Portrait raté à Sainte-Hélène et de la série Aurore Humanum Est, que je vous conseille vivement pour découvrir ce que l'être humain peut faire de pire. Si jamais on avait besoin encore de le rappeler, ben voilà, chaque épisode nous ramène à quel point ça peut être de plus en plus terrible. Une série vraiment à voir, je vous conseille malgré tout. Et voilà ce qu'il dit, pas de mot spécial, simplement je trouve qu'on oublie un peu trop de mentionner dans sa filmo Mes voisins les Yamada. Pas un film mineur selon moi, même si l'univers graphique et les histoires sont issus d'un manga de Isaïe Ishii. Le film que j'ai revu à l'annonce de son décès me semble avoir des choix de réalisation subtils et drôles, un film plein de mélancolie et de joie, un peu comme ce qui traverse l'univers du réalisateur. Je trouve que sa qualité de styliste, cette recherche formelle qui aboutira à Kaguya, s'y révèle admirablement. Bref, et je reviendrai aussi sur ces films-là, sinon dans la liste des films à revoir urgemment, Souvenir goutte à goutte ou Pompoko. Francis, en un mot, et même si tu nous l'as déjà dit, et Stéphane, avant vous, puisque vous devez partir, dites-nous le film, votre film préféré, et pourquoi il faut absolument le voir, de Isao Takahata. Oh bah, je pense qu'il faut voir Le Conte de la princesse Kaguya. Moi, je trouve son chef-d'œuvre ultime, parce que c'est son dernier film, que c'est une sorte de film somme, de film... Moi, j'aime pas trop l'expression de film testament, parce qu'on peut pas savoir si la personne... Si ça sera son dernier film, d'autant que lui avait envie de faire encore, il l'a dit lors de la rencontre avec Michael Ludovic-Devitt, il avait toujours une idée en tête, et un projet en tête. Donc moi, je trouve que Le Conte de la princesse Kaguya, c'est un chef-d'œuvre. Voilà, c'est le terme égalvaudé, mais là vraiment, là il s'applique parfaitement, parce que pour toutes les raisons évoquées par Francis, et puis parce que il évoque, tu parlais de réalisme. Moi, je trouve que ça reste un conte fantastique. On reste dans le registre du fantastique et de l'onirique. Mais il évoque des choses éminemment humaines, très fortes sur l'éducation des enfants, sur comment on peut gâcher les enfants, comment on peut rater l'éducation. C'est ce sentiment très amer qui domine à la fin, notamment chez les parents adoptifs de Kaguya. Et moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup ému. C'est un film qui travaille énormément, qui reste en tête et qui nous pose beaucoup de questions sur voilà, ce que c'est d'être parent, ce que c'est d'être humain, tout simplement. Voilà, c'est un film magnifique. Francis, tu l'as déjà dit, mais bon, quand même, oui, je te non, le redemande. Comme, vu tout ce que vient de dire Stéphane, c'est vrai que ça va être compliqué d'ajouter quelque chose. Évidemment, je partage tout ça. Et puis, et oui, je vais dire qu'effectivement, c'est aussi... bon, alors, préféré, je sais pas, parce que finalement, j'ai pas vu tant de films que ça de Takahata, mais en tout cas, j'ai envie de dire que c'est un film marquant pour moi, quoi, en tant que spectateur, en tant que critique de cinéma, en tant que plein de choses qu'on veut. C'est, voilà, c'est au-delà de Takahata, c'est un jour, il y a un réalisateur qui fait ce film qui s'appelle Le Conte de la Princesse Kaguya, qui donc s'appelle Takahata, mais pour moi, c'est un film qui rentre dans mon panthéon cinématographique, quoi. Et c'est pas mon préféré, puisque je connais pas bien toute sa filmo, j'ai pas vu tous les films, il y en a certains que j'aime pas beaucoup, j'avoue, mais voilà, d'un seul coup, il entre dans mon panthéon, ce que j'en disais tout à l'heure sur le fond, sur la forme. Après, je trouve aussi, et peut-être que là c'est plus par rapport au cinéma d'animation, que c'est un vrai beau portrait féminin, et que peut-être le cinéma d'animation en manque, mais des vrais portraits féminins, quoi, pas ni des trucs comiques, ni des trucs trash, ni d'un entre deux. À la limite, si, voilà, Sébastien Lodenbach savait faire un très beau portrait de femme. Et ben voilà, il y en a pas tant que ça. Et pour pas opposer, pour une fois, Takahata et Miyazaki, je trouve que chacun, mais lui, voilà, dans La Princesse Kaguya, il y a un très beau portrait de femme, et c'est le personnage principal, et c'est le personnage du film. Je trouve qu'il y a un des plus beaux portraits de femme qu'il y a pour moi chez Miyazaki, qui est un personnage secondaire, mais quand elle apparaît, on n'a plus. Hein. Bah, Dame Eboshi. Quand elle apparaît, on n'a plus envie qu'elle parte. Il y a une dimension, alors la shakespearienne chez elle, qui est absolument hallucinant, qui à la fois est un personnage que tu disais tout à l'heure, Stéphane, qui pourrait être un personnage négatif, mais qui en même temps a construit cette forteresse. Il a mis des femmes reléguées au banc de la société parce qu'elles sont prostituées, il a accueilli des lépreux. Voilà, d'un seul coup, on a un portrait d'une dimension et elle n'est là que dans une partie du film. Mais chez Miyazaki, elle reste personnage secondaire, mais brillant. Hein. Je suis pas en train de dire du mal de Miyazaki là sur ce coup-là, mais voilà, Takahata d'un seul coup, lui s'empare complètement du personnage féminin et la porte tout le film. Et entre la légèreté du début, comme disait Yann, qui est très drôle finalement quand elle est petite fille, mais qu'est-ce que c'est drôle. Et après toute cette partie de l'enfermement dont tu parlais, Alexis et Stéphane aussi, ben c'est vrai que d'un seul coup, voilà, on a un portrait d'une grande richesse, d'une grande finesse, et en même temps où on voit tout ce que disait Yann, finalement tout ce qui va être le conflit intérieur du personnage, quoi. Ce qui est, on devrait faire presque un débat autant de, parce que c'est vrai que quand je pense à tous les films sur les seconds rôles, aussi bien chez Takahata et chez Miyazaki, qui sont tellement forts, dont on manque tellement finalement dans le long métrage d'animation occidentale en général. Et je parle là de Miyazaki et Takahata, mais je pense qu'on pourrait Keiichi Hara, comme je disais, ou des choses comme ça. C'est vrai que ces personnages nous restent absolument en tête dans Mononoke. Il y en a des extraordinaires, enfin, c'est assez incroyable. C'est vrai que voilà, on va faire une dernière petite pause. On va écouter un dernier morceau d'Higelin, Un aviateur dans un ascenseur, toujours de ce sublime album No Man's Land 1978. Et juste après ça, vous allez découvrir pour les trois invités, puis je vous dirai quand même le mien aussi, chacun nos films préférés d'Isao Takahata. Très beau matin, où je laissais courir mon âme dans les blés, insouciant, irradié par la magie de l'été. Cœur de pierre, ciel ouvert, adolescent. Sorcière au sein blanc, loin des fureurs, loin des errances, de l'ennui, comme un aviateur dans un ascenseur qui s'envole vers l'infini. toi qui meurs de trop aimer la vie, je dédie cet air venu d'un éternel chagrin, où le destin m'a condamné à errer incertain sur les chemins de l'oubli. Laisse le temps impatient tuer ta douleur, et dis-toi qu'il n'est pas de plus grand malheur que de laisser mourir le rire dans ton cœur. すんな。 素敵な彼氏に巡り会えるかもよ。 Alors, Bulle de rêve spécialisée à Otakata, on arrive quasiment à la fin. Moi, j'ai triché parce que je savais que j'allais leur demander le film qu'ils préféraient. Donc, moi, j'ai un extrait. Non, pas forcément d'extrait parce que j'ai pas. Je crois que si je devais vraiment choisir qu'un, vous savez, cette chose un peu stupide de dire allez, c'est quoi ton film absolument préféré d'Isao Takata, je pense que c'est l'un des films que j'ai découvert vraiment sur le tard. Mais c'est un film de 1991 qui s'appelle Homo Ide Polo Polo, donc Souvenir goutte à goutte, qui est pour moi un film. Vous savez, on a la radio, c'est bête, mais rien que d'y penser, j'ai des frissons. C'est un film que je trouve juste. Mais alors, on parlait tout à l'heure de chef-d'œuvre. C'est un véritable chef-d'œuvre. C'est une intelligence de la réalisation comme on en a peu qui mélange. J'ai tendance à dire que là, on pourrait mettre en première partie Malban d'Élodie Bouédec, et juste après Souvenir goutte à goutte, il y a ces plans absolument sublimes où en fait le passé arrive et fait irruption au moment du présent, et en fait il y a pas du tout de coupe. Il n'y a rien, on est dans ce que fait l'animation de site sublime, c'est-à-dire qu'elle, d'un seul coup, elle se tourne, voit même pas, la caméra prend, et puis derrière, on l'a petite, et on l'a encore, elle, plus ou moins adulte, et petite, et en plus, ça mélange ça, et ça mélange, elle se souvient, parce qu'il y a une petite fille qui demande des baskets à un moment donné, et elle se dit, oh là là, elle exagère, et puis en fait, on la voit, elle, petite, elle, être aussi demander un vêtement, et puis se dire, bon, et finalement, on la voit qu'elle exagérait aussi, et puis tout ça, et c'est juste extraordinaire, il y a une scène, à un moment donné, qui est, vous savez, il y a des moments de grâce comme ça où elle retourne, en fait, c'est une femme qui retourne, plus âgée, elle retourne dans le pays de son enfance, et notamment à un moment donné, elle va se voir confrontée avec ce pays qu'elle a quitté, et elle revient et elle va cueillir une fleur qui va permettre la teinture. Et ça commence et elle nous explique avec des plans très très serrés sur elle, très serrés sur les fleurs, sur les... comment à l'époque, voilà, c'était cueilli, pourquoi c'était cueilli. Puis la caméra va s'éloigner, on a un plan large et d'un seul coup on a, je sais pas, c'est des voix bulgares ou des voix en tout cas de pays de l'Est, comme c'est une espèce de chorale qui se met en place. Le soleil se lève et d'un seul coup on était dans un documentaire, mais vraiment dans un documentaire, et on est dans une fiction où, enfin, qui magnifie la réalité de manière absolument mais incroyable. Et ce film, pour moi, vous savez, l'une des choses les plus dures en cinéma et en animation, c'est comment on met en scène des moments. C'est quoi ces moments? C'est quoi finalement des moments de vie, ces moments de ressenti où on est amoureux, on est triste, on est, voilà, genre de choses. Et souvent, et on en parlait tout à l'heure, et Francis, tu le disais aussi, en tout cas, on en parlait avec ce que disaient Stéphane et Francis, c'est dans l'exagération, le cinéma, et alors encore plus en animation, on a besoin d'en faire énormément pour montrer ça. Et là, avec un acting, comme on dit en animation, d'une simplicité absolument, mais incroyable, même dans la voix, on est bouleversé, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire qu'on se pose nous-mêmes des questions, en disant, mais, et moi, comment je me situe tout le temps, enfin. Et c'est un vrai film philosophique dans le sens du terme, qu'il nous pose des questions, nous, sur nos vies aussi. C'est drôle, c'est émouvant, c'est touchant, la musique est superbe, les voix sont magnifiques. La séance est malheureusement complète au Cité des Ursulines, puisque un hommage va être rendu à Isao Takahata. Je suis ravi qu'elle soit complète. Courez voir et voyez vraiment Homo Ideopolopolo, pour moi, qui est un film absolument sublime. Yann Song. Non. Alors Nicolas, ton film alors, préféré, pourquoi? Disons que moi, je pense quand même que, comme un peu comme Francis et Stéphane, que vraiment Kaguya, c'est peut-être le film le plus maîtrisé d'un point de vue formel, etc. Je pense que c'est vraiment, enfin, il y a quelque chose d'absolument fabuleux et magnifique dedans, et je trouve qu'il y a vraiment une maîtrise absolument totale du geste, du trait, de l'animation, du scénario. Enfin, formellement, c'est fabuleux. Mais par contre, je pense que ceux qui me touchent peut-être le plus, les deux que je retiens quand même et que j'ai du mal à départager, par contre, ça reste Pompoko et Souvenir goutte à goutte. Donc finalement, voilà. Pompoko, tu peux en parler un peu, parce que c'est vrai que moi aussi, longtemps, je me disais, je vais en dire qu'un, donc j'ai choisi Souvenir goutte à goutte, mais Pompoko a tenu. D'ailleurs, je pense avoir plus souvent vu Pompoko, d'ailleurs. J'ai plus revu Pompoko que Souvenir goutte à goutte, je dois avouer. Pompoko, tu peux nous en parler un tout petit peu. C'est donc des tanuki qui ont cette chance d'avoir des testicules qui peuvent grossir et ils peuvent se transformer. Voilà, c'est ça. Disons que les testicules des tanuki, ça représente un petit peu la métamorphose et tout le cinéma d'animation. C'est d'une manière un petit peu. Comment sentir par une pirouette comme voilà, ça. Non, mais il y a quelque chose qui est assez intéressant aussi dans Pompoko, dans la manière dont il va confronter de manière non écolo, justement, pas forcément, c'est pas quelqu'un qui met forcément l'écologie au premier plan, mais où il va confronter plutôt la disparition des campagnes, la disparition d'un mode de vie, pas des campagnes, plutôt de la forêt ici, la disparition des forêts, l'urbanisation croissante et le fait d'avoir une espèce d'uniformisation sociale et humaine qui apparaît justement avec la disparition des êtres qui peuplent la forêt et qui, on le voit même à la fin du film, doivent devenir un humain pour pouvoir aller vivre un petit peu dans la ville et essayer de retrouver quelque chose qui a malheureusement disparu de leur côté précédent. Et il y a vraiment, enfin, une espèce de, il y a un dynamisme extrêmement fort, il y a une violence aussi, il y a une cruauté assez forte. C'est comme un film dans lequel on tue des humains, les animaux tuent des humains, enfin les tanuki, et c'est assez rare finalement d'avoir des humains frontalement tués. Bon, il y en a aussi évidemment dans le tombeau des lucioles, etc., mais d'une certaine façon il y en a quand même assez rarement dans la plupart des films d'animation, et c'est quelque chose qui est assez surprenant aussi au premier abord. Et il y a à peu près tous les thèmes, on va dire, aussi de Takahata qui sont vraiment dans ce film-là. Il y a cette scène extraordinaire que j'ai eu la chance de montrer à Ursuline il n'y a pas si longtemps que ça, de défiler comme ça, de mythes et légendes, de yokai. Et c'est sublime, ça dure 5-6 minutes, c'est extraordinaire, c'est d'une beauté. Et à la fin, en fait, c'est repris comme un défilé publicitaire et comme une démarche publicitaire des personnes qui font. Et il y a un côté qui est encore plus désespérant, je trouve. D'un seul coup, la critique de la société est encore plus forte juste là-dedans, alors qu'il y a vraiment ces 7 minutes et on a juste à un moment donné à la télé la personne qui dit oui, on doit vous l'avouer, c'était une campagne publicitaire, et il n'en rajoute pas, il n'y a pas, on ne voit pas, c'est juste nous, on est bouleversés avant même que les tanuki soient même bouleversés de ça. Florian, Ben moi la prochaine fois j'exige de parler en premier parce que si tu veux là vous m'avez absolument coupé toutes les herbes possibles sous le pied, y compris ma remarque sur la procession dans Pompopo. Non mais là j'ai eu droit à tout quand j'entendais Nicolas qui disait exactement. Tu peux redire comme ça, ils vont bien comprendre. Mais alors la seule chose où ben au moins je vais essayer de dire, c'est que je refuse moi de systématiquement. On me demande mon film préféré, je t'en donne 20. Tu me demandes mon réalisateur préféré, je t'en donne 20. Je ne rentre pas dans ces jeux là et puis point barre, donc c'est pas possible. En revanche mes trois effectivement ça reste, effectivement on est d'accord avec Nicolas, c'est Moi de Polo Polo, Pompoko et Kaguya. Juste c'est vrai que Kaguya moi au moins me donne des munitions phénoménales pour une chose, c'est que ça me permet de rappeler l'inanité et l'incompétence crasse du comité des Academy Awards par exemple, puisque donc on voit bien que si on s'appelle pas Disney ou Pixar de toute façon on n'aura pas d'Oscar d'animation. Mais surtout, le filet au nouveau héros l'année où il y a Kaguya en face, là, ça montre vraiment, vraiment le niveau des personnes, quoi. Il a ni été à Cannes, ni à Venise, à la quinzaine, Et il y a beaucoup de gens qui disaient à Cannes que c'était le meilleur film de la sélection, Encore une fois, la quinzaine. Est-ce que ce sera Mirai cette année? C'est comme tout à l'heure avec Stéphane, quand on fait des erreurs, il faut le reconnaître. En effet, il était, merci. Mais on peut juger par l'absence, mais là, on pouvait jugé par la présence et par qui l'avait emporté en face. Donc ça que de toute manière, c'était assez flagrant. Yann Song. Moi, je veux botter en touche aussi comme Florian. Enfin, je peux pas. C'est pas possible d'en choisir un, mais par contre. Parce que je disais ça encore une fois. Non, mais c'est ça. Je pense que je rejoindrai aussi sur Omoi de Polo Polo parce que c'est pareil, c'est une veine de Takahata, on connaît tout de toute façon Takahata, mais justement dans cette veine à la fois réaliste et en même temps où là on voit qu'il a une conscience des cadres absolument inouïe, quoi. Et puis du montage avec ses retours dans le présent et le passé, et ça aussi englobe beaucoup de thèmes qu'on retrouvera aussi après dans Pompoko, dans La Princesse Kaguya, l'opposition de la ville avec la campagne, et un autre personnage, un portrait féminin qui est absolument incroyable. Et juste avant de finir comme ça, faut juste voir Marco qui est sa série de 50 épisodes qui est sur internet et qui est absolument fabuleuse. Alors pour finir, en effet, là j'ai 2-3 minutes pour finir. En effet, ne pas oublier, on est resté beaucoup sur les films, souvent ce qui a été marquant, même si tu en as parlé un tout petit peu évidemment d'Heidi, mais on peut revenir. Il a été co-réalisateur avec Miyazaki de quelques Lupin Sensei, Conan le fils du futur aussi. Moi j'avoue que j'adore. On en a parlé. Vous voyez Panda Copanda les deux, le deuxième épisode notamment quand ils sont sous l'eau, reste juste d'une intelligence visuelle absolument rare. Si vous voulez voir l'humour crétin de Takahata, regardez Jour d'hiver, il a fait juste un petit segment. Ce petit segment, en fait, quand vous le regardez et vous finissez, la fin, c'est celui de Takahata, vous faites « Ah !» Ok, donc c'était un monsieur qui était quand même aussi il y a un petit peu, vous savez, alors ça n'a rien à voir, mais des fois vous êtes surprise, imaginons, on ne vous dit pas que après... de l'autre qui est sous un pont rouge, c'est le vieux monsieur Imamura qui a fait ce film là et vous vous dites ah oui quand même, à cet âge là il fait encore des films aussi croustillants, il joue autant. Faut absolument aller voir parce que là il y a un vrai plaisir. Et parce que c'est vrai que je suis assez d'accord avec vous, qu'est-ce que c'est compliqué de donner un film. Moi, je reste absolument mais bouleversé aussi, je l'ai même pas vu depuis longtemps, par Gochou, le violoncelliste, on en a parlé. Et on parlait de personnages, on parlait de personnages féminins. 81, qui est la petite peste. 81, c'est-à-dire qu'il a battu plein de gens de plusieurs années, 30 ans quasiment. Là, ça fait 35 ans ce film, 36. Et qui est la petite peste, c'est juste un personnage d'une petite fille qui est incroyable, quoi. Son père est alcoolique, sa mère est plus là. Donc voilà. Et elle se débrouille devant les Yakuza, devant tout le monde, et elle leur... Et elle a une force, elle a une pêche qui est absolument mais incroyable et qu'on devrait montrer à toutes les petites filles, quoi. C'est un film, moi que je trouve étonnant. Donc voilà, merci beaucoup à tous les quatre d'être venus pour parler d'Isao Takahata. Je le disais au début, revoyez les films. Je pense que on a là quelqu'un qui est d'une importance. Enfin, c'est pas moi qui le dis, c'est une évidence majeure. Même Libération a fait 4-5 pages dessus, donc ça veut tout dire que là, si un magazine comme ça, on se retrouve tous les deux avec Francis. Moi-même, j'aurai ce plaisir-là. On se retrouve le 12 mai. Et Francis, ce que je vais faire, c'est que je vais aller lancer le générique de fin. Je vais le dire, qui c'est toi qui vas finir cette émission en préambule de l'émission qu'on va lancer. On va écouter en générique de fin cette espèce de version complètement folle d'Akiko Yano qu'on trouve dans Nos voisins les Yamada de Que c'est là, c'est là. Vous allez voir, c'est complètement, complètement fou. Attends, Aria, je vais venir. Je laisse Francis terminer. Moi, je vous remercie infiniment. Et Francis, c'est toi qui termine Bulle de Rêve aujourd'hui. Oui, alors je termine Bulle de Rêve. Donc, bien, c'est un grand plaisir. Donc, j'en profite donc pour annoncer cette émission exceptionnelle que nous allons faire le 12 mai. Alors, c'est quelque chose qu'on a déjà fait. Ce sera une émission commune Bulle de Rêve. Longtemps, je me suis couché de bonheur. C'est-à-dire que nous serons à l'antenne, pour ceux qui ne le supporteraient pas, je vous préviens tout de suite, de 17h à 21h. Nous l'avions déjà fait au mois de décembre. Donc, ce sera, et d'ailleurs, Nicolas était parmi nous. Donc l'émission est en train de se construire. Il y sera question de plein de choses. Et je peux déjà dire, parce que c'est assez calé, que la première heure, et comme Alexis Hinault a plus d'une fois manifesté et a toujours ne s'est pas intéressé et ne s'intéresse pas qu'au cinéma d'animation et a manifesté son intérêt de parler d'autres choses que d'animation, eh bien nous ferons une table ronde critique avec des gens qu'il connaît à peine cette fois-ci. Autour, ça sera un des beaux moments du mois de mai. Et donc moi j'y tenais parce que finalement c'est le premier cinéaste, et à l'époque, Longtemps je me suis couché de bonheur n'existait pas encore, mais que j'ai pu interviewer en participant à une autre émission qui était La philanthropie de l'ouvrier charpentier, donc sur l'antenne de Radio Libertaire. On fera évidemment une table ronde critique et hommage à Hervé Leroux pour la ressortie de Reprise qui sortira fin mai, qui sera présentée à Cannes à l'Acide le 15 mai. Donc on sera juste avant, si après vous, certains d'entre vous descendent à Cannes, voilà, il faut aller voir un chef-d'œuvre de 3h10. Koi wo shite kare ni watashi wa